Vous écoutez Radio Différence, l'émission de Radio Nantaise de diversité psychique. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.radiodifference.eu et nous contacter à radiodifference@hotmail.fr. Le thème d'aujourd'hui, c'est la réalité. Bonjour, je m'appelle André François et je vais vous parler de la réalité. C'est une illusion totale de croire qu'il y a une seule réalité qui serait la même pour tous les êtres humains. Les êtres humains perçoivent des mondes totalement différents selon leur perception. L'aveugle, le sourd, celui qui a un nez ou un palais sensible et spécialement cultivé, le musicien, le peintre ou le coloriste, le grand paralysé qui ne sent plus son corps, il y aura encore beaucoup d'autres exemples. Tous perçoivent autre chose. La réalité perçue peut également être dépendante d'une tournure d'esprit ou de pensée. L'autiste, par exemple, vit dans un monde modifié par sa vie intérieure. Le chaman ou le sorcier perçoit des forces, des entités que beaucoup ne connaissent pas. Le naturaliste s'intéresse à la nature et remarque des plantes ou des insectes que personne ne regarde. Les mathématiciens ou les philosophes pensent avec des concepts qui sont concrets pour eux, mais totalement irréels pour les profanes. Il y a encore un exemple. Ceux qui entendent des voix ou qui perçoivent des êtres, des choses que la majorité ne saisissent pas. Est-ce pour autant le plus grand nombre qui a raison? Donc je reprends. Il y a les perceptions extérieures, celles permises par les sens humains, ou alors les appareils qui les prolongent, le microphone, les longues vues, le radar qui n'est qu'une sorte de toucher. Il n'y a pas une seule réalité. Et puis, il y a les perceptions intérieures, celles de l'âme et de l'esprit. Et là aussi, il y a un grand nombre de réalités. Ce que l'on considère comme la réalité de tous les jours, la réalité commune, est un compromis. Il m'arrive de l'appeler la réalité consensuelle, parce qu'un grand nombre de personnes est en accord sur des aspects matériels, culturels et juridiques. On pourrait aussi l'appeler réalité conventionnelle. Dans l'éducation, elle est donnée aux enfants pour qu'ils puissent vivre dans un monde social donné. Et puis, il y a certains qui l'appellent la réalité normale. C'est une expression que je trouve dangereuse. Car s'il y a une norme, il y a aussi ce qui est hors norme, l'anormal. L'anormal est suspect, dangereux pour les normaux. Et la réalité dite normale partage le monde entre deux groupes. Elle est le lit de l'exclusion. Dans la société française du début du XXIe siècle, on qualifie ceux qui perçoivent d'autres choses de personnes psychotiques. Dans d'autres époques, on aurait dit qu'elles vivaient une expérience mystique, qu'elles percevaient des défunts, des esprits ou des dieux, et on les aurait écoutées attentivement. Au contraire, dans le pire des cas, on aurait incriminé la possession diabolique et ces mêmes personnes seraient persécutées, mises à mort ou bannies. Pour ma part, je crois qu'un groupe humain a intérêt à tout accueillir, car tout est un enrichissement. Parfois, il faut un temps certain. La chenille passe parfois par de nombreuses métamorphoses, mais un jour, c'est un papillon qui naît. Cette naissance sera d'autant plus réussie que l'on aura laissé grandir librement la chenille, même si elle a été un temps très laide et même puante. Mon souhait serait que cela devienne réel. Bonjour, je suis portugaise. Je m'appelle Catarina, j'ai 25 ans. Je vais parler sur la réalité. Réalité, c'est relative. Sa réalité est relative, dépend de l'état spirituel et peut-être bouger beaucoup parce que l'état spirituel change aussi beaucoup. Ainsi, elle est fluide et je pense que la mieux, c'est de laisser aller, de ne pas offrir de résistance et d'aller avec le courant. Bonjour, je suis André et aujourd'hui on va essayer de parler de la réalité. Déréaliser, vivre dans l'imaginaire, les fantasmes, à côté de ses chaussures, ce n'est peut-être pas une bonne idée, car si on veut nier le réel ou l'oublier, celui-ci se venge sous forme d'accidents, de symptômes, de maladies. Woody Allen a dit « Je n'aime pas beaucoup la réalité, mais c'est le seul endroit où on peut manger un bon steak. » Le réel est parfois implacable et on peut vouloir fuir dans l'imaginaire. Le rêve, quand on ne se sent pas armé pour affronter la réalité, ou pas assez mûr, pas prêt. On peut devenir artiste créatif et créer une autre réalité que celle qui existe déjà, et dont on ne se contente pas, ou qu'on ne parvient pas à assumer, ou qui nous intéresse moins que le jeu, l'invention. La vérité, c'est qu'il faut tout le temps et sans cesse se battre et se tenir éveillé, ne pas se laisser aller au rêve, au sommeil, même si c'est tentant. La tentation d'abandonner, de se retirer. Cioran a dit « Pourquoi se retirer et abandonner la partie quand il reste tant d'êtres à décevoir ?» Le réel est décevant, la réalité pas très drôle, on ne s'y amuse pas beaucoup. En principe, il faut être sérieux et coller au réel. Faut pas déconner, faut pas s'énerver, pas paniquer, pas se mettre en colère contre l'inexorable. Le réalisme, c'est l'efficacité, l'utile, le nécessaire. C'est la fourmi contre la cigale. La cigale chante tout l'été et se retrouve démunie, alors que la fourmi a économisé sans faire la fête. Comme quoi, il faut être sérieux dans la vie, il faut être réaliste. Ah, je sais pas si ça... Attends... Bonjour, je m'appelle Lionel. La réalité est cauchemardesque dans le contexte que dans la réalité, on doit faire les choses concrètement. La réalité est dure et individualiste. Dodo, boulot, métro, le coût de la vie est cher. Pas de sentiment, rien. Tel que le m'ont dit mes parents. La réalité à moi, c'est tendresse, protection, amour et j'en passe. Bonjour, je m'appelle Julie et je vais vous parler de la réalité. Je crois que la réalité, c'est ce qui est partageable par tous. Si une chose n'est pas partagée par tous, comme une pensée ou une hallucination, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment réel. Moi, je fais de la déréalisation, c'est-à-dire que je ne reconnais plus la réalité depuis mon attaque cérébrale. J'angoisse de rechuter et d'avoir du mal à percevoir correctement la réalité. Parfois, j'ai l'impression de voir tout comme si tout était irréel, comme si tout était une hallucination. Je sais que cette sensation bizarre est une sensation qui me met partiellement hors de la réalité, puisque cette sensation n'est pas partagée par les autres. Mais en même temps, je ne suis pas cinglée, puisque je sais que ce que je vois est bien réel. Les méandres du cerveau sont incompréhensibles. J'ai peur de la folie. J'ai peur de perdre contact avec la réalité. Passer plusieurs années hors de la réalité doit être quelque chose d'extrêmement angoissant. Et maintenant, un peu de musique. On revient juste après. Some of the love, but we stick together. à l'heure, en passant à la gare SNCF, j'ai aperçu une affiche où on annonçait à Laval un salon de la réalité virtuelle. C'est de la réalité irréelle, pas vraie. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas vivre dans la réalité s'en vont dans l'imaginaire, la poésie, la littérature, le cinéma ou la psychose. Bonjour, je m'appelle Rémi. Je vais vous parler de la réalité. Ce mot est un peu abstrait. La réalité, en premier lieu, c'est le monde des objets, des choses. La chosalité, c'est l'utilité ou la non-utilité des choses qui nous entourent. Le matérialisme dialectique et l'argent servent à acquérir des biens matériels et accumuler certaines choses qui nous sont utiles ou qui nous sont agréables par leur esthétique ou par leur fonction symbolique. Premièrement. Deuxièmement, la réalité, c'est notre lien avec les personnes que nous connaissons. Les personnes que nous connaissons, c'est un lien qui n'est pas objectal. On ne possède pas une personne comme on possède un objet. La relation religieuse, reliée entre les personnes de notre groupe social, notre groupe familial, notre groupe amical, notre groupe relationnel, notre groupe de copains, tout cela, c'est un peu le maximum que l'on puisse désigner comme étant des personnes impossédables, dans la mesure où elles se comportent comme des unités absolument originales, et cette originalité ne peut pas être défaite de leurs caractéristiques singulières. En effet, chaque personne est singulière. Il y a le sexisme, la personne féminine, il y a le masculin, il y a les enfants, il y a la société, il y a l'organisation sociale, les structures sociales qu'il faut considérer. Il y a les enfants qui sont à l'école et nous l'avons quitté depuis longtemps. Nous adultes, maintenant, nous devons considérer la réalité comme une identité solide, avoir le sens du réel, avoir les pieds sur terre, comme on dit. Ceci dit, la réalité peut être déformée. Chacun peut configurer le monde de façon pas délirante, mais anobjective, sans objectivité matérialiste. C'est-à-dire que le réel peut devenir extraordinaire ou paranormal ou d'un ordinaire en réalité physique du monde matériel. L'abstraction, l'imagination dépasse le simple fait de considérer les objets comme ils sont. Le réel, c'est s'affronter, affronter, lutter, se coltiner à la personne humaine, apprendre, s'adapter, retenir de l'autre ce qui nous apporte de positif, sa présence comme une identité de visage, comme une identité amicale, comme une identité fraternelle. Nous rejoignons un peu la religieuse, le religieux des religions, sans être religieux. La nouvelle religion, c'est la religion du religieux qui serait sans le religieux, sans oublier que le religieux existe et que nous estimons aussi. La liaison que nous pouvons faire avec nos proches est plus que symbolique. Ce n'est pas du symbole. C'est une prise de conscience qui nous éveille au monde. Avec infiniment de sérieux, le visage humain, comme disait le philosophe Emmanuel Lévinas, le visage humain, sa visagéité, sa problématique qu'il porte sur son expression, nous montre que nous devons considérer chaque individu comme une unique personne, même malgré la même des besoins normaux de vie quotidienne doivent être assurés. La nourriture, bien sûr, l'habitat, un minimum de confort, la créativité, l'originalité de chacun Pour ceux qui cherchent à être créatifs, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Nous pensons, pas malheureusement, mais à ceux qui n'ont pas le temps de développer leur imaginaire ou leur créativité, en espérant ces temps que les retraites reviendront et permettront à ceux qui désirent de faire des activités créatrices. Nous sommes dans un champ de recherche en psychologie, en psychosociologie, en psychiatrie, en anthropologie, la science de l'homme en général, pour développer une société plus humaine dans laquelle l'humanité, l'individu, la personne qui n'est pas un individu, la personne se distingue de l'individualité, l'individualité c'est sa propre originalité, la personne c'est la personne sociale, qui nous colle à la peau. On est obligé, et beaucoup de personnes souffrent et souffriront encore avec cette crise qui nous est arrivée il y a quelques années, 2 ans. Chaque personne doit principalement développer un caractère de même-té lorsqu'il est avec les autres. Si le conflit... C'est fini ? Non, tu peux continuer, mais... T'as arrêté ? Non. Il fallait arrêter. T'as enregistré, là ? Ouais. Bon, je vais trouver une fin, parce que le réel, si je parle trop, nous emmènerait à discuter très longtemps et il n'est pas question d'y passer 2 heures. Le réel, c'est la même thé pour moi maintenant. Autrefois, quand j'étais étudiant, je croyais que l'on était tous uniques, donc très atomisés et très dissemblables, ce qui m'a mené, moi, personnellement, à avoir quelques difficultés. Maintenant, je cherche la même thé, être même que les autres, avec les mêmes besoins, m'appuyer sur les mêmes besoins fondamentaux que j'ai énoncés tout à l'heure, savoir la nourriture, l'alimentation, les relations familiales et l'habitat avec un minimum de confort. Mais je vous remercie. Oui, bonjour, je me présente, Christophe Guillou. Donc, qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je pense à la réalité, déjà, son utilité, quoi. À quoi sert la réalité ou la certitude que quelque chose est réel ? Ben, je sais pas, pouvoir l'exposer à quelqu'un d'autre, quoi. Pouvoir l'expliquer, le partager. Savoir qu'on comprend le monde. Ben, je sais pas. Alors, avec ce qu'a dit à l'instant, je suis André François, mais vous m'avez reconnu, avec ce qu'a dit Christophe à l'instant, il parlait d'une réalité qui doit être commune, pour qu'on puisse effectivement vivre dans la même réalité qu'un autre, partager quelque chose avec un autre. Sinon, si on ne partage pas la même réalité, c'est assez difficile. Bonjour, je m'appelle Colette. Je vais vous parler de ma réalité. Ma réalité est que je suis là et que je suis malade. La réalité, c'est que j'ai vécu quelques années dans un conte de fées et que j'ai du mal à atterrir sur Terre. Alors, à quoi peut bien servir d'atterrir sur Terre, quand on a réussi à survivre en étant dans un conte de fées ? Parce que si tu vis trop longtemps dans un conte de fées, tu te coupes des autres, en fait. Tu n'arrives plus à sociabiliser avec les autres, du coup, tu te désociabilises. Du coup, tu peux finir SDF, ou tu peux finir en prison, enfin, tu peux finir dans une mauvaise situation, en fait. Tu peux claquer tout ton argent, tu peux arrêter d'avoir des amis, devenir solitaire. C'est ça le problème, en fait, quand tu vis en dehors de la réalité, c'est que tu coupes les liens sociaux. En quoi la communication est une marque de confiance envers un individu ? Parce que si on n'est pas dans la réalité et qu'on ne peut pas se communiquer avec les autres et se faire comprendre de manière égale et digne aussi, quoi, ben, on est exclu. On est exclu et Donc moi je fais la différence entre être exclu parce qu'on est différent et être exclu parce qu'on n'apporte pas à la société. Donc on peut être différent et apporter à la société. Par le travail, souvent, quoi. C'est souvent la valeur la plus certifiée conforme à la légitimité d'un individu, quoi. Qu'est-ce que la communication, déjà? C'est dur, compliqué, et je dirais même que vivement l'utopie. Comme disait Lionel, la réalité est très dure. Ben, la réalité est que je suis malade. La réalité, c'est parfois embêtant, donc vive l'utopie, mais l'utopie, c'est la réalité de demain. Car ça serait marrant que dans l'utopie, on pourrait faire ce que l'on veut, car dans la réalité, on ne fait pas ce que l'on veut. Pour faire les choses concrètement, ceci dit, c'est dur, et puis il faut avoir un certain courage pour assumer tout ça. Et maintenant, un peu de musique. On revient juste après. Cette émission a été réalisée par des personnes souffrant de troubles psychiques. Ont participé à cette émission Lionel, Julie, André, André-François, Katharina, Rémi, Colette et Christophe. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifference.eu.